Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 61. De la différence entre la justice commutative et la justice distributive. Division de la justice en justice distributive et en justice commutative. D'où se prend le milieu dans l'une et dans l'autre. Leurs matières diverses. Si le juste est la même chose que la contrepassion ou réciprocité d'action. 1. La division de la justice en justice commutative et en justice distributive est-elle légitime? La justice, dit le philosophe, se divise en deux parties, l'une dirige les distributions, l'autre les commutations. La justice commutative a pour fonction de régler les rapports réciproques d'individu à individu. La justice distributive dirige la répartition proportionnelle de ce qui est commun aux membres d'une même société. Cette division, on le voit, est très légitime. 2. Le milieu se prend-il de la même manière dans la justice distributive et dans la justice commutative? Dans la justice distributive, dit encore le philosophe, le milieu se prend d'une proportion géométrique, dans la justice commutative, d'une proportion arithmétique. Cela signifie que la justice distributive répartit le bien commun en raison de l'importance des personnes dans la société et d'après une proportion géométrique, telle que celle-ci, 6 est à 4 comme 3 est à 2, de manière qu'il y ait le même rapport entre les choses accordées aux personnes qu'entre la dignité relative de ces personnes, laquelle se détermine par la vertu, dans une aristocratie, par la fortune, dans une oligarchie, au point de vue de la liberté, dans une démocratie. La justice commutative, au contraire, donne un objet égal en valeur à celui que l'on reçoit. L'égalité alors s'établit par le milieu arithmétique. Supposons que deux individus aient chacun 5 unités, et que l'un en ravisse une à l'autre, la justice commutative consistera à en ôter une à celui qui en a 6 et à la donner à celui qui n'en a que 4. L'un et l'autre en auront 5, ce qui est le milieu. Note. Ainsi donc l'égalité commune à la justice distributive et à la justice commutative, mais elle est calculée dans l'une selon le rapport géométrique, et dans l'autre selon le rapport arithmétique. Fin de la note. 3. Ces deux sortes de justice ont-elles une matière diverse? À ne voir que les choses sur lesquelles opère la justice distributive et la justice commutative, ces deux sortes de justice ont une même matière. Les distributions et les commutations ont toujours pour objet l'usage des choses, des personnes ou de certains travaux, mais, au point de vue des actions principales que l'on exerce sur les choses, les personnes et les travaux, la matière n'est plus la même, la justice distributive préside aux répartitions du bien commun, et la justice commutative aux transactions de la vie civile. 4. La réciprocité d'action rentre-t-elle dans la justice? La contrepassion, contrapassum, ou réciprocité d'action, qui consiste à endurer soi-même ce que l'on a fait souffrir à autrui, fait partie de la justice commutative. Elle était approuvée dans la loi ancienne, qui disait, âme pour âme, dent pour dent, œil pour œil. Elle l'est aussi dans la loi nouvelle, où nous lisons, on se servira envers vous de la mesure dont vous vous serez servi envers les autres. Matthieu 7, 2. Ainsi celui qui a frappé, mérite d'être frappé, celui qui a fait tort, mérite de subir un tort pareil. Il convient que l'action faite et l'action soufferte soient égales entre elles. Mais on comprend que, si un homme n'avait jamais à supporter que ce qu'il fait souffrir à un autre, il n'y aurait pas toujours égalité. Quand un inférieur injurie un supérieur, son action l'emporte sur la souffrance du même genre qui lui serait infligée. De là vient que celui qui a frappé un prince, au lieu d'être frappé de la même manière, subit une punition beaucoup plus grave. De même, qu'arriverait-il si l'on se contentait de ne reprendre à un ravisseur que ce qu'il a dérobé? Dans la réalité, il n'aurait rien perdu, et la société ne serait pas vengée. On doit donc exiger qu'il rende davantage. Tout cela montre que la simple réciprocité d'action, appelée parfois contre-passion, admissible dans la justice commutative, ne l'est pas dans la justice distributive, où les choses sont appréciées d'après la dignité des personnes. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.